ses mouches autour de nous. S'agissant de mon cadavre, il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a que dans le feu qu'il ne profite pas de nous. Nous jeter un sort ne servirait à rien quand on s'est vu. Vu leur intensité, d'où cela vient? Qui suis-je dans la nuit noire? La sorcière ou le démon? Où vont tous nos voyages? Vers quelle ombre elle se brise? Comment exprimer tes rumeurs vers quel chaud? Quelle roche s'isoler, exploiter les néandres, le mal-être dans la bouche, contribution privilégiée, la cible. Aller à l'essentiel du profit. Alors que les monstres, des cuisineurs et des cul-pompés, les banques des MM305, et mes femmes, Myriam, qui en pleure triste sur les trottoirs. Voix passée. Une histoire en rêve, une autre identité. Une histoire en rêve, une autre identité. Une histoire en rêve, une autre identité.